Entamons maintenant notre développement avec en première partie l'idée qu'apprendre l'histoire ne semble que rarement se traduire par apprendre de l'histoire. Premier point, on peut remarquer que les sociétés tentent à assigner une fonction morale à l'étude et à l'enseignement de l'histoire. Qu'entendons-nous ici par fonction morale? La morale renvoie aux normes de comportement qui sont prescrites aux membres d'une collectivité et qui indiquent quelle conduite adopter ou ne pas adopter. Ces normes constituent des critères d'évaluation des actions. Attribuer une fonction morale à l'histoire, c'est chercher dans les événements passés des modèles à suivre et des contre-modèles à éviter, afin d'influencer des comportements futurs des personnes. Une histoire morale ne va pas se contenter de décrire les faits passés, elle va intégrer un jugement sur ces faits et plus spécifiquement sur les acteurs de ces événements. On peut prendre pour exemple l'historiographie chrétienne des premiers siècles, autrement dit les auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge, qui ont relaté la fin de l'Empire romain. Ces auteurs ont produit un discours souvent porteur d'un message moral, structuré autour de l'opposition entre d'une part la martyrologie et d'autre part la dénonciation des tyrans romains. La martyrologie désigne un ensemble de récits de la vie et du supplice des martyrs de l'Église chrétienne, en particulier des saints, présentés comme des modèles de vertu qui se sont sacrifiés au nom de leur foi. Face à cela, ces auteurs ont également développé une critique des empereurs romains. Leurs récits ont fixé dans l'imagerie populaire des figures honnies, comme celle de l'empereur Néron ou de l'empereur Dioclétien, responsable de grandes vagues de persécution des chrétiens dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, et dressés en contre-modèle de dirigeants pervertis et monstrueux. On voit bien ici une utilisation de l'histoire également à des fins morales. On ne se contente pas d'enseigner le passé, on essaie aussi de donner des modèles à suivre ou à ne pas suivre. Ce qu'on peut cependant remarquer en second point, c'est que on ne peut qu'être frappé de déception face à l'inefficacité de cette démarche, de cette approche moralisante de l'histoire. Par exemple, le souvenir de Cromwell, le dictateur qui prit le pouvoir pendant la Révolution, la première Révolution anglaise au milieu du XVIIe siècle, bien ce souvenir-là n'a pas empêché, pendant la Révolution française, la Terreur et le coup d'État de Napoléon. Le souvenir du génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale n'a pas empêché la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le fait que l'on se souvienne qu'une tragédie a eu lieu dans le passé n'empêche pas qu'une nouvelle tragédie de même nature se produise de nouveau. À ce titre, nous pouvons citer l'incipit du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, de Karl Marx, qui dans cet ouvrage analyse l'échec de la Révolution de 1848 et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, conduisant à la chute de la Seconde République et à l'avènement du Second Empire. Donc il commence son ouvrage en déclarant ceci: Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Caussidière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, la montagne de 1848 à 1851 pour la montagne de 1793 à 1795, le neveu pour l'oncle. Et nous constatons la même caricature dans les circonstances où parut la deuxième édition du 18 Brumaire. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu'ils leur empruntent leur nom, leurs mots d'ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l'histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté. C'est ainsi que Luther prit le masque de l'apôtre Paul, que la révolution de 1789 à 1814 se drapa successivement dans le costume de la République romaine, puis dans celui de l'Empire romain, et que la révolution de 1848 ne sut rien faire de mieux que de parodier tantôt 1789, tantôt la tradition révolutionnaire de 1793 à 1795. Donc que veut dire Marx dans ce passage? Tout d'abord, il nous dit que les événements se répètent. Ça signifie simplement que des conditions similaires, ou moins des conditions comparables, vont produire les mêmes effets. Qu'est-ce qui peut expliquer que des événements comparables se reproduisent? Eh bien, c'est qu'on a eu des mêmes conditions qui ont favorisé l'apparition de ces événements. Voilà, les révolutions se produisent dans des situations de crise, crise sociale, crise économique. Ces mêmes conditions vont favoriser le même type d'événement. Mais en même temps, il nous dit que la répétition ne signifie pas une répétition de faits exactement identiques. Hein, ce n'est pas, il nous dit bien, en son passage, que la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'il souligne dans le développement du passage, c'est que les conditions qui déterminent les actions des personnes sont elles-mêmes le produit de l'histoire. Elles sont amenées donc à changer au fil du temps. Donc quand il nous dit que l'histoire se répète, ce n'est pas de façon strictement identique. C'est plutôt qu'on retrouve des schémas comparables. Mais pour les acteurs de l'histoire eux-mêmes, eh bien, face à l'incertitude, les acteurs de l'histoire cherchent des modèles dans le passé. Voilà, ils font un peu ce que nous disions tout à l'heure. Ils regardent dans le passé, ils essaient de trouver des modèles pour savoir comment agir. Mais comme chaque histoire, chaque période historique a ses propres enjeux, ses propres conditions bien spécifiques, tandis que les conditions de l'action ne sont jamais strictement identiques, c'est ce qui fait que les acteurs de l'histoire, à un moment donné, ne vont faire que singer, caricaturer les actes de leurs prédécesseurs. Ils vont s'inspirer d'eux, mais comme le contexte a changé, d'une certaine façon, ils vont échouer à apprendre de ces événements passés. Ils vont finalement commettre d'autres fautes que leurs prédécesseurs. Donc ça nous renvoie, on peut développer cette explication, avec, dans, troisième point, toujours dans cette première partie, l'idée que les hommes font bien l'histoire, mais ils ne savent pas qu'ils la font. Ils vivent au présent, mais sans se rendre compte des forces qui les animent. Et c'est bien ce qui amène à penser que ils ne trouveront pas dans le passé des éléments pour des maximes, des principes pour agir correctement dans le futur. C'est bien ce qu'ajoute Hegel, hein, donc, que citait Marx lui-même. Hegel nous dit que l'expérience et l'histoire nous enseignent que les peuples, les gouvernements, n'ont jamais rien appris de l'histoire, qu'ils n'ont jamais agi suivant les maximes qu'on aurait pu en tirer. Chaque époque, chaque peuple se trouve dans des conditions si particulières, forme une situation si particulière, que c'est seulement en fonction de cette situation unique qu'il doit se décider. Les grands caractères sont précisément ceux qui, chaque fois, ont trouvé la solution appropriée. Donc, bien ce qu'ajoute Hegel, hein, dans un sens assez proche de Marx aussi, c'est que le sens des événements échappe toujours aux acteurs eux-mêmes. Les acteurs sont pris dans le tumulte des situations qui s'imposent à eux. Voilà. Aujourd'hui, des dirigeants sont face à une épidémie, ils font des choix comme ils peuvent, d'une certaine façon. Ils anticipent autant que possible, mais parfois pas aussi bien qu'ils le voudraient, parce que nos capacités d'anticipation sont limitées. Et donc, ils n'ont pas les moyens de bien lire le cours des événements. Alors, bon, ce qu'ajoute Hegel, c'est que bah, chaque événement historique est bien singulier. Chaque époque va avoir ses spécificités. Donc, la plupart du temps, ben, beaucoup de personnes ne vont pas savoir comment agir correctement. Il y aura bien certains individus qui parviendront à prendre les bonnes décisions. Ce sont ceux que Hegel appelle les grands hommes. Mais d'une certaine manière, pour Hegel, les grands hommes ne font qu'agir sous le coup de la ruse de l'histoire. Qu'est-ce qu'il entend par la ruse de l'histoire? Eh bien, c'est comme si l'histoire agissait à travers eux, mais un peu indépendamment de leur volonté. Bon, il se trouve que leur volonté, leur désir particulier, se trouve en accord avec le sens de l'histoire. L'exemple typique que prend Hegel, c'est celui de Napoléon. Bon, voilà, le désir personnel de Napoléon, c'est de conquérir l'Europe, c'est de faire de la France un grand empire. Bon, mais il se trouve que, à travers Napoléon, à travers ses conquêtes, eh bien, Napoléon diffuse les principes de la Révolution française. Il diffuse le Code civil. Et donc ça, pour Hegel, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'histoire a utilisé Napoléon. La raison à l'œuvre dans l'histoire s'est servie de Napoléon pour réaliser son projet, mais en quelque sorte, en utilisant ses désirs personnels au service d'un plan global que lui-même ne pouvait pas saisir. Pourquoi? Parce que le sens global d'un processus n'est pas compréhensible par ceux qui le vivent. Il ne va être compréhensible que rétrospectivement, a posteriori. C'est pour ça que Hegel, puis Marx, qui écrivent plusieurs années après la Révolution, après l'Empire, peuvent commenter et donner leur lecture. Mais pour Hegel, l'acteur lui-même n'est pas en posture de saisir ce sens global. C'est bien ce qu'il nous dit dans la préface au principe de la philosophie du droit, un autre ouvrage dans lequel il nous dit ceci. Pour dire encore un mot sur la prétention d'enseigner comment doit être le monde, nous remarquons qu'en tout cas, la philosophie vient toujours trop tard. C'est vraiment une phrase importante. La philosophie arrive trop tard. Nous ne pourrons interpréter l'histoire, nous ne pouvons pas l'interpréter au moment où elle se passe. Ça interviendra plus tard. Je continue la citation. En tant que pensée du monde, elle apparaît seulement lorsque la réalité a accompli et terminé son processus de formation. Voilà. La philosophie ne va pouvoir réfléchir sur l'histoire, réfléchir sur les événements, qu'une fois que ceux-ci seront achevés. Prenons ce que le concept enseigne, l'histoire le montre avec la même nécessité. C'est dans la maturité des êtres que l'idéal apparaît en face du réel, et après avoir saisi le même monde dans sa substance, le reconstruit dans la forme d'un empire d'idées. Voilà. Que veut dire ce passage un petit peu abstrait? Il est que le réel, l'histoire, les événements se déroulent, et les idées qui pourront appréhender ce réel ne pourront se constituer que rétrospectivement, hein, par la suite. Conclusion de Hegel, lorsque la philosophie peint sa grisaille dans la grisaille, une manifestation de la vie achève de vieillir. On ne peut pas la rajeunir avec du gris sur du gris, mais seulement la connaître. Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. Alors, ce passage un petit peu cryptique est en fait une métaphore. La chouette de Minerve, dans la mythologie, eh bien, c'est un symbole de l'histoire. Et donc, quand il nous dit que ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de Minerve s'envole, il nous dit, l'image veut dire que c'est que lorsque l'histoire est achevée, quand la chouette s'envole, donc quand l'histoire est finie, que la chouette est partie, que nous allons pouvoir en comprendre le sens. Le sens des événements, donc ce que nous disions, ont échappé à ceux qui les vivaient, mais le philosophe qui vit plus tard, d'une certaine façon, qui lit l'histoire plus tard, ou l'historien, pourrait-on dire, le philosophe qui cherche à interpréter les événements, ou l'historien qui cherche à les reconstituer, à rétablir l'enchaînement exact des faits, eh bien, ceux-là ne peuvent intervenir qu'après. Mais donc, puisque l'interprétation, la compréhension du sens des événements n'intervient que trop tard, puisqu'elle est toujours voilà, en retard sur les événements, eh bien, ce n'est pas possible de tirer des leçons du passé. Car les maximes morales qu'on pourra tirer d'une situation donnée, par l'interprétation rétrospective, eh bien, elles ne seront plus applicables pour les situations futures, parce que les conditions auront changé. Donc, on en arrive à la fin de cette partie avec cette idée qu'il est un petit peu inutile, il est vain de chercher d'attirer des leçons de l'histoire.